Et comme tous les vendredis, on retrouve François Morel. Bonjour François. Bonjour. C'était en juillet 2004, au cimetière de Montparnasse, Michel Piccoli lisait les paroles d'une chanson. Le texte d'une chanson, habituellement interprété par Serge Reggiani, empêché ce jour-là du fait qu'il était lui-même étendu dans un cercueil, en ce triste jour ensoleillé de juillet 2004, où Piccoli, devant son ami étendu, avait décidé de lui rendre hommage en lisant les mots de Claude Lemel. « Il faut vivre, l'azur au-dessus comme un glaive, prêt à trancher le fil qui nous retient debout. Il faut vivre partout, dans la boue et le rêve, en aimant à la fois et le rêve et la boue. » À quoi pensait-il ce jour-là, Piccoli, devant le cercueil de son ami parti? On ne sait pas. Ce qu'on imagine, c'est que les autres, dans le cimetière de Montparnasse, devaient penser à François, qui survivait à Paul, qui avait survécu à Vincent. Les autres, voyant François, debout, devant Paul, allongé, devait penser au dimanche et au gigot à la con, à cet écrivain qui n'écrit plus rien, à ce boxeur qui ne veut pas boxer, à ces bonnes femmes qui couchent avec n'importe qui, et cette colère magnifique, inoubliable, tellement juste et totalement construite, d'un acteur espiègle et farceur et moqueur, qui, dans sa parfaite panoplie de quadragénaires bourgeois, s'amusait sur les mots de Jean-Loup Dabadie à imiter son metteur en scène. À quoi pensait-il, Piccoli, devant son pote ce jour-là dans le cimetière de Montparnasse? Peut-être simplement à bien respirer, à bien porter la voix, comme on lui avait appris au cours Simon, et ne pas bafouiller pour que son vieux rital de copain disparu puisse être fier de lui, et que la matinée soit belle, bien qu'elle fût mortuaire, et que la représentation soit un succès, bien qu'elle fût gratuite. Qu'on s'appelle Suzanne, Henri, Serge ou que sais-je, quidam évanescent, anonyme paumé, il faut croire au soleil en adorant la neige et chercher le plus que parfait du verbe aimer. La nostalgie a mauvaise presse. On l'accuse de tous les maux, on l'a dit passéiste, réac, légèrement arriéré. La nostalgie, en gros, est une peau de vache, une salope, une emmerdeuse, toujours prête à se plaindre, à pleurnicher, à pourrir la vie de ceux qui la serrent de trop près. Mais comment, quand on porte un masque, ne pas avoir envie de s'en griller une dans un bistrot enfumé d'un film de Claude Sauté? Comment, quand on doit respecter les gestes barrières, ne pas avoir envie de prendre Marie Dubois sur son cœur et Antonella Loaldi dans les bras? Ou le contraire? Boire dans le verre de Montant et donner la collade à Reggiani. Courir à perdre haleine, suer à grosses gouttes, crier à plein poumon et se postillonner dans la gueule en masquant sa mélancolie. Que quelqu'un puisse aller dire à Michel Piccoli, dans la plus stricte intimité sanitaire d'un cimetière déserté, d'un mois de mai post-confiné, avec respect, avec pudeur, la reconnaissance, l'admiration, l'amour du public. S'il faut une prière pour suggérer que les souvenirs sont supérieurs aux hommes dans leur capacité à résister au temps, puisque les souvenirs de gigot et de dimanche à la con nous enterreront tous, choisissons les mots de Claude Lemel, poète déguisé en chansonnier, qu'un jour de juillet, dans le cimetière de Montparnasse, Michel Piccoli avait prononcé, un jour d'été, où la nostalgie n'était pas chouineuse, mais résolue, bravache, vaillante. Il faut vivre d'amour, d'amitié, de défaite, donner à perte d'âme, éclater de passion, pour que l'on puisse écrire à la fin de la fête « Quelque chose a changé pendant que nous passions ». Merci François Morel.